Parlons de politique un petit peu. Restons dans le spectacle incroyable de la société québécoise, façonné par des médias qui ne lui ressemblent pas et qui est en train de devenir une société qui ne se reconnaît même pas. Je vous donne un exemple. André Boisclair. Imaginez un instant, c'est drôle, un journaliste qui dit, j'imagine, oui, mais là, je vous demande vraiment d'imaginer, là, de créer une scène qui n'existe pas et dans laquelle vous êtes. Vous avez besoin d'une babysitter. Vous avez besoin de quelqu'un pour prendre charge de vos enfants pendant que vous allez faire autre chose. Peut-être que vous êtes un bon Québécois, vous avez fait des enfants que vous n'étiez pas capable de garder. Et vous allez choisir quelqu'un qui va prendre à votre place soin de la chose ou de la personne ou des... qui a le plus de valeur pour vous. OK? Vous cherchez un babysitter. Regarde, on va mettre quelque chose de plus prosaïque. Vous cherchez quelqu'un pour gérer vos placements. Vous avez un rire. Vous avez l'intention de prendre votre retraite à 50 ans, 55 ans, 60 ans, 65 ans. Et vous savez qu'il faut la faire fructifier. Il ne faut pas l'investir dans Norbourg. Faut pas se tenir trop proche des gens de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Faut se tenir assez loin du crime organisé. Vous voulez pas vous faire voler votre avenir. Vous cherchez quelqu'un pour administrer vos placements. Mais c'est autrement. Vous voulez embaucher quelqu'un dans votre entreprise en qui vous avez l'intention d'avoir confiance, quelqu'un qui va mener des dossiers à votre place, qui va... avoir besoin d'intégrité pour protéger vos intérêts, pour bien faire. Aller plus loin. Vous cherchez un chauffeur. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous conduire. Tu sais, pas en mer à boire, chauffer, tout le monde est capable, mais le faire de façon responsable, quelqu'un qui boira pas, quelqu'un qui... fera pas de folie, qui fera pas de rage au volant. Cherchez quelqu'un en qui vous avez confiance. Pff, autre affaire. Cherchez un camp de vacances pour vos enfants, puis vous voulez pas que ce soit un psychologue pédophile qui s'en occupe. Fait que vous rencontrez le chef moniteur du camp de vacances, vous essayez de vous faire une idée. Et on parle de choses prosaïques, peu importante, on parle pas de l'avenir d'un pays ou d'une province ou... Non, non, on parle juste de quelque chose de simple, simple, simple. Un babysitter pour la soirée, un administrateur de placement, un homme de confiance dans une entreprise, un chauffeur, un moniteur de camp de vacances. Les choses, ils ont fait plus... Non, on ne parle pas de quelque chose de bien important comme un avocat, là, pour à qui vous allez donner votre cause parce que vous avez confiance. Non, non, non. On parle de quelque chose de prosaïque, sans importance véritable. Parce que si votre babysitter est pas bon, puis vous revenez, puis les enfants sont debout sur la bibliothèque pendant que la babysitter dort sur le sofa, vous allez dire, bon, ben, regarde, ça m'a fait plaisir, voilà ton 10$, va-t'en chez vous, puis merci beaucoup. Et comme par hasard, vous ne la rappellerez plus. Vous cherchez quelque chose, là, où ça prend un peu de confiance. Mais pas tant que ça. Et là, vous avez entendu dire que la personne que vous êtes en train de rencontrer pour la job a déjà consommé de la cocaïne. Vous êtes peut-être un Québécois bien tolérant qui dit, bah, tout le monde a fait des erreurs dans sa vie. Je m'excuse, là. La cocaïne, c'est pas une erreur dans la vie. La cocaïne, c'est un problème, peut-être maintenant réglé, peut-être pas, qui implique un problème de personnalité majeur. En plus, ça implique des contacts de clients avec un criminel. Le petit pocheur qui vend de la marijuana, Vous pouvez décider que c'est pas grave, dans 20 ans, ça va être légal. Vous pouvez décider que ça l'est, c'est vous qui décidez, puis je vous dirai pas quoi décider. Mais vous pouvez pas me dire que le vendeur de cocaïne n'est pas quelqu'un qui commet un crime grave. Là, dès là, la personne la plus honnête au monde qui achète de la cocaïne d'un vendeur de cocaïne, c'est quelqu'un qui est en contact d'affaires avec un criminel. Dès là. On rencontre tous des criminels à tous les jours. Il y en a même qui rencontrent des membres du barreau. Puis on se dit, oui, mais je reste honnête pareil. Oui. Mais si je mets de l'argent sur la table et que le criminel prend mon argent et que je deviens son client et qu'en retour, il me donne un produit qu'il est criminel d'acheter, criminel de vendre et criminel de posséder. La game n'est plus la même. Vous avez quelqu'un qui est un client d'un criminel très certainement relié de près ou de loin avec le crime organisé. Il n'y a pas de cocaïne sur le marché de l'Amérique du Nord qui ne passe pas dans les mains des criminels du crime organisé. C'est pas les gens qui importent de la cocaïne, qui distribuent la cocaïne et qui vendent la cocaïne sont des criminels en contact étroit, sinon des membres du crime organisé, de la pègre. Vous me suivez? Merci. Donc, vous cherchez un babysitter ou un gérant pour vos placements, ou un employé pour votre entreprise, ou un chauffeur pour votre grand-mère, ou un moniteur pour un camp de vacances, et vous savez qu'il a déjà consommé de la cocaïne de façon excessive, et probablement au moment où il exerçait les mêmes fonctions il n'y a pas longtemps. Le babysitter a consommé de la cocaïne en gardant des enfants. Le chauffeur a consommé de la cocaïne en chauffant. L'administrateur de fonds a consommé de la cocaïne au bureau. Le moniteur de camp de vacances a consommé de la cocaïne à la colonie de vacances. Oh! Mais vous voulez y donner sa chance. Vous êtes cave. Vous êtes cave. Mais vous voulez lui donner sa chance. Alors, vous le mettez en confiance et vous lui dites, André, as-tu fumé de la cocaïne? As-tu sniffé ou absorbé ou injecté de la cocaïne pendant que tu étais babysitter? Il vous regarde et il refuse de répondre. Et où votre confiance, maintenant? Ah, ben, il faut lui faire confiance, il est mignon. Ben, bon, ça, c'est un homosexuel, ça fait que si j'y dis qu'il est un écœurant, je vais passer pour un homophobe. Et ça fait longtemps. Il y a combien de temps qu'il était ministre de l'Environnement au Québec et où on pense qu'il aurait fumé de la, qu'il aurait consommé de la cocaïne pendant qu'il était ministre de Lucien Bouchard, au point que Lucien Bouchard lui a montré la porte en disant, si tu continues, tu t'en vas. Vous autres, là, à l'écoute, vous n'avez consommé beaucoup de la cocaïne? Ça reste un problème répandu dans notre société, mais ça oblige pas à faire confiance. Vous n'êtes pas obligé de faire confiance à quelqu'un qui a consommé de la cocaïne. Vous devez vous faire une idée à partir de franchises sur l'état de rétablissement de la personne. Parce que, oubliez pas non plus, la cocaïne est l'accoutumance la plus difficile à rompre. Ceux qui ont passé dans l'enfer de la cocaïne savent que jamais ils ont connu une accoutumance plus prenante que celle-là. Rapide, terrifiante, fulgurante, puissante. Donc, vous allez jaser avec la personne en disant, mais t'as consommé de la cocaïne? Ouais, mais là, vous allez parler avec et vous allez vous faire un état de confiance, peut-être, ce que vous avez le droit de faire. ce que vous avez le droit de pas faire aussi. Sauf que votre babysitter, quand vous lui demandez s'il a consommé récemment, quand il était babysitter, il se lève puis il s'en va. Vous y laissez vos enfants, soit? Oui, mais c'est un homosexuel. Si je le rejette, je vais être un homophobe. Pas de ça qu'on parle. And by the way, on pourrait revenir là-dessus. Vous, le gars qui veut s'occuper de vos placements, quand vous lui dites, coudonc, toi, as-tu consommé de la cocaïne au bureau déjà? Il se lève puis s'en va au lieu de répondre. Vous y confiez votre rire? Pas de 200 000 piastres accumulées depuis 20 ans, oui, oui, oh, c'est correct. On fait mon chèque pareil. Le chauffeur, vous dites, j'ai entendu dire que vous avez consommé de la cocaïne. Je suis bien content de savoir que vous n'en consommez plus, ou du moins c'est ce que je veux croire. Mais en avez-vous déjà consommé en conduisant? Puis il vous répond pas. Embarquez-vous dans son auto. Pilote d'avion. Vous prenez Air Transat pour aller en Europe, puis vous avez entendu dire que le pilote a déjà consommé de la cocaïne. Vous dites, waouh, il s'en est bien sorti, il est maintenant pilote de ligue, mais je vais y en bon jaser avec pour me faire une idée quand même. Hey, monsieur le pilote, vous avez déjà consommé de la cocaïne? Ben, j'ai fait des erreurs de jeunesse. J'ai eu bien du fun quand j'étais jeune. Comme si c'était le fun, consommer de la cocaïne. Pas le fun consommer de la cocaïne. Parlez-en à ceux qui ont été esclaves de la cocaïne, ils vont vous dire que c'est pas le fun. Alors, dites-moi, en avez-vous consommé pendant que vous conduisiez l'avion? Il se lève puis s'en va. Il vous répond pas. Embarquez-vous dans l'avion? Oui, mais c'est un homosexuel. Si j'embarque pas dans l'avion, là, il va penser que je suis homophobe. Il va penser que ça me donne des frissons de voir deux gars s'embrasser. Et que le poil des bras me... Il va penser que je suis une méchante personne. Moi, je suis une bonne personne. Je veux pas qu'il pense mal de moi. Il est homosexuel. Avez-vous vu le placard avec Thierry Lhermitte, le film qui fait suite au dîner de cons? Le gars qui est sur le point de perdre sa job parce qu'il est incompétent, puis il fait croire qu'il est homosexuel pour pas être congédié, pour que les gens osent pas le congédier, puis je pense que ça marche, il devient le président de la compagnie, parce qu'il est homosexuel, ce qui est pas vrai, il fait semblant d'être homosexuel pour pas être congédié pour incompétence. C'est en train de marcher, c'est en train de nous faire un placard, André Boisclair. Je suis un gars qui ment sur sa consommation de cocaïne. Je suis un gars qui ment sur son dossier académique en laissant croire que j'ai étudié à Harvard alors qu'il est allé faire un tour, puis qu'il est parti avant fin, puis que de toute façon, son diplôme sérieux qui remonte... Le seul diplôme sérieux qu'on est capable de lui trouver, ça serait un secondaire 5. C'est-à-dire de quoi être pompier peureux à Sainte-Foy. Parce que si vous voulez un secondaire 5 comme premier ministre, vous avez le droit. Si vous le pensez. Mais si vous lui demandez, puis je suis allé à Harvard, je suis moi allé à Harvard. J'ai une chemise à la maison sur laquelle c'est marqué Harvard Law School. École de droit de Harvard. Es-tu allé à l'école de droit de Harvard? Certainement, je suis allé m'acheter une chemise. Je cherchais pas mon diplôme, par exemple. Ça m'a pris à peu près 12 minutes et demie avec ma carte Visa. Puis j'ai une chemise marquée Harvard Law School. Alors André Boisclair, lui, il veut pas vous dire si oui ou non il a consommé de la cocaïne pendant qu'il était ministre de Lucien Bouchard, alors que on sait maintenant que Lucien Bouchard était très inquiet des frasques. Et lorsqu'on lui demande s'il a déjà consommé de la cocaïne, il répond qu'il a eu bien du fun quand il était jeune. Est-ce qu'il veut encore avoir du fun? On le sait pas. Quand il veut avoir du fun maintenant, qu'est-ce qu'il fait? On le sait pas. André Boisclair, ça serait-il un Jean-François Bertrand, ça? Un homosexuel, cocaïnomane, en déni, qui est pas capable d'admettre qu'il y a un problème. La différence, c'est que Boisclair a pas l'air d'avoir marié une petite madame juste pour faire partie de la haute ville de Québec. Ça n'a pas l'air nécessaire. Le plus étonnant dans ça, c'est pas que Boisclair soit probablement un menteur ou un esquiveur, c'est un politicien, si vous voulez. Un politicien, c'est pas honnête. C'est même pas obligé de l'être. Ce qui m'épate le plus, c'est la galerie tolérante et silencieuse qui essaye de vous faire croire que c'est normal. Que quand on a fait dans sa jeunesse des choses qui n'avaient pas d'allure, on a juste à dire que ça fait longtemps, puis c'est moins grave. Pensez-vous que Claude Charron est moins voleur maintenant que le jour où il a volé un veston chez Eaton? Non. C'est un voleur. Pensez-vous que Lorraine Pagé est moins voleuse maintenant qu'elle a été acquittée de la paire de gants dans sa bourse? Peut-être. Vous avez droit à votre opinion. Moi, j'ai droit à la mienne. C'est drôle. Comme tous les gens qui ont eu des enfants, j'ai été confronté avec la réaction typiquement infantile de « Oh, mais ça fait longtemps, hein? » Pogner un enfant en train de faire une connerie, si tu fais « Ouais, mais ça fait longtemps, là. » Ben oui, puis c'est torieux, tu as pris du temps à m'en apercevoir, mais tu l'as fait pareil. « Ouais, mais ça fait longtemps. » Boisclair, il essaie de vous faire croire que ça fait longtemps. Or, les informations, c'est qu'il était ministre, puis il pompait de la cocaïne. Et il n'a jamais expliqué pourquoi il en avait pris. Et c'est quoi son problème? Tous les gens qui ont pris de la cocaïne et qui s'en sont sortis vous disent « J'avais un problème de telle nature. » La majorité des cocaïnomanes qui ne sont plus cocaïnomanes ont passé à travers des psychothérapies répétitives et douloureuses pour essayer de toucher là, la souffrance qui les amenait à s'engourdir. J'ai regardé ça aller, là. Puis je me suis dit que on peut bien regarder Star Academy. Quand un gars qui veut être premier ministre du Québec, qui se présente avec un secondaire 5, puis fait semblant d'être un petit gars bien savant, parce qu'il a une belle gueule de politicien, et qu'il prend les homosexuels en otage en disant « Vous pouvez pas me manquer de respect. Je suis homosexuel. Vous êtes des homophobes? Non, je suis pas homophobe, c'est correct, tu peux être premier ministre. » Et qu'en plus, vous lui dites, avez-vous consommé de la cocaïne quand vous étiez ministre? Et qu'au lieu de dire, non, il dit, fin de la conférence de presse, ça m'a fait plaisir, merci, bonjour. Comment pouvez-vous? Comment pouvez-vous? La cocaïne, c'est pas n'importe quoi. Avoir de la cocaïne en sa possession, c'est avoir en sa possession la preuve irréfutable qu'on est en contact avec le crime organisé. Vous devenez premier ministre du Québec, président du premier Québec indépendant, parce que vous avez eu à l'usure les Québécois, parce qu'à force de leur poser la même question pendant 20 fois, ils vont finir par dire oui. C'est certain, tous les enfants savent ça. C'est rien qu'à le demander souvent, puis tu vas l'avoir, ta paire de René Neuf. Et soudain, ça cogne à votre porte. Vous êtes le premier ministre. Ça peut être un policier, ou ça peut être un crotté, ça peut être les deux en même temps. Mettons que c'est un policier. Bonjour, M. Boisclair. Je suis l'inspecteur machin-truc de la Sûreté du vol à puc. Et je suis venu vous rassurer. Ah ouais? Je savais pas que j'étais inquiet. Ben oui. Dans une de nos enquêtes, on a rencontré M. Untel. Hey, ah, M. Untel, vous avez rencontré M. Untel? Monsieur Untel nous a raconté vos relations quand il était votre fournisseur de cocaïne. Il nous a raconté quand est-ce que vous achetiez ça, avec qui vous la consommiez, ce qu'on ne sait pas encore. Il nous a tout conté. Du début à fin, il nous a fait des déclarations, mon cher monsieur Boitler, c'est épouvantable, vous en reviendriez pas tout ce qu'il nous a dit. Et je suis venu vous rassurer. Me rassurer de quoi, monsieur l'inspecteur? Vos secrets sont en sécurité. Vous pouvez compter sur nous. Monsieur Machin Truc, votre ancien pocheur, on va s'en occuper. Pourriez-vous le tuer? Mais non, ça, on le fait pas, c'est ainsi, mais on va faire un deal avec, c'est qu'on l'a pogné dans une autre affaire, mais on va lui donner une chance à condition qu'il parle plus de vous jamais. On s'en occupe, monsieur le ministre, ou monsieur le premier ministre, ou monsieur le président du Québec. On s'en occupe! Soyez soulagés. Ou, comme un ancien chef de la Sûreté du Québec avait coutume de dire quand il rencontrait le ministre de la Sécurité publique, Claude Ryan, « Ah, monsieur le ministre, si vous saviez ce que je sais, Chris. » Oh, et à propos, on aurait besoin de pouvoirs supplémentaires pour mieux lutter contre le crime organisé. On aurait besoin de chars d'assaut. On aurait besoin de ci. On aurait besoin de ça. Meilleure pension pour nos cadres. Vous savez, le projet qui dort sur votre table depuis quelques semaines, là, si vous saviez comme c'est important pour donner aux Québécois la police qu'ils méritent. Bien sûr, monsieur l'inspecteur, où est-ce que je signe? Mais vous vous occupez de mon ancien pocheur, hein? Tannant, hein? C'est réel, ça, là. Ça arrive à toutes les semaines dans les cabinets de ministres. Ah, monsieur le ministre, si vous saviez ce que je sais, mais rassurez-vous, je ne le dirai pas à personne. Regarde, dans la région de Québec, un maire était en chicane avec le syndicat de ses policiers, et dans la région de Montréal, le même maire s'est fait pogner dans un bordel volant au Hilton Airport. Son plaisir, c'était de se faire pisser dessus par des jeunes filles très jeunes. La police de Montréal a pris un dossier, a pris des déclarations, a pris des photos. Ils n'ont jamais accusé le maire de la région de Québec. Ils ont envoyé le dossier au syndicat dans la ville en question. Je te dis que ça a réglé, ça n'a pas été long. La chicane est finie d'en par là. Je connais le nom du maire, je connais le nom de la ville. Fini! C'était juste du pissage de petite fille, là. Comme disait Robert Gillet, c'est pas grave. Tu pipis le long de la cuisse dans un hot tub, voyons donc, tout le monde trouve ça drôle. Pis c'est vous dans un hot tub, vous autres? Pas moi. Je sors à la toilette, je reviens. Je me lave les mains, en plus, avant de revenir. Mais supposons que c'est pas un policier qui vient rencontrer le premier ministre Boisclair ou le président du Québec Boisclair pour venir lui raconter qu'il est en sécurité parce que son ancien pocheur qui était en train de raconter tout à quel moment il avait livré sa cocaïne puis avec qui l'autre l'avait consommé. Puis au lieu d'être un policier, et habituellement quand ils font ce job-là, les gars de la police, ils arrivent en uniforme avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'omelettes en bronze sur la casquette puis sur les épaules, puis ben chromées, là, avec des médailles. Mais supposons que ce n'est pas un inspecteur ou un chef de police qui arrive dans le bureau du premier ministre du Québec, André Boisclair, dans quelques années, pour lui raconter que ses anciens pocheurs sont maintenant silencieux. Et rassurez-vous, monsieur le président ou monsieur le premier ministre, vos secrets sont en bonne main. Non, non. C'est le pocheur qui arrive dans le bureau. Salut, André! J'en ai du bon, en veux-tu? Va te le donner! Non, non, j'en veux pas, je touche plus à ça, moi, j'ai complètement réhabilité. Il est assis là, là, il est juste devant, là. Il est venu voir le premier ministre ou le président du Québec, André Boisclair, puis c'est le même gars qui vendait de la cocaïne, obtenu des Hells Angels, il y a pas 10 ans. c'est pas monsieur le Premier ministre, c'est pas monsieur le Président, c'est pas monsieur Boisclair. Hey, Ticu! Te rappelles-tu? Dans tel hôtel? Te rappelles-tu les tigas qu'il y avait là? Te rappelles-tu ce que t'as fait quand t'en avais consommé? Moi, je m'en rappelle. J'ai même des photos. Regarde les photos que j'ai rapportées. Regarde, j'ai trouvé ça dans mon scrapbook. Regarde. Regarde, ça, c'est notre pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ça, c'est notre pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine. Ça, c'est notre visite à l'oratoire Saint-... Te rappelles-tu de ça, André? Calice. Non, je me souviens pas. J'étais gelé. J'étais pas là. J'étais pas là pantoute. J'en ai perdu des bouts. Excusez-moi, je réponds à quelqu'un. C'est pas merveilleux, ça? Fait que là, l'ancien pusher, qui a pris du galon dans les Hells Angels, ou dans une autre organisation criminelle, parce que tu peux pas avoir de la cocaïne à vendre sans être en contact avec le crime organisé. Tu peux pas acheter de la cocaïne sans en acheter de quelqu'un qui a des contacts avec le crime organisé. Et le crime organisé, c'est ta temps plein. Tu prends pas ta retraite de ça. Fait que là, André Boisclair est premier ministre du Québec, ou il est président du Nouveau Québec indépendant, puis il y a son ancien pocheur assis à côté de lui, là, avec son veston puis sa cravate. Puis il dit, tu sais pas. Tu sais, Joe, là, tu sais qu'on avait rencontré dans tel hôtel une fois, là. Ouais. Mais ça doit te dire quelque chose, non, là? Ben, j'ai vu ça dans les journaux, là. Ben, on a parlé au conseil du ministre, là. Ça a l'air assez hot. Ben oui, je comprends, regarde. Il a tué quelqu'un, ou il a mis le feu à quelque part, ou il a fait une grosse gaffe, puis... Faudrait bien l'aider, hein. Jamais! Je suis premier ministre du Québec, tu viendras pas me faire chanter avec mes photos de pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré, ou au Cap-de-la-Madeleine, ou à l'Oratoire Saint-Joseph, ou quelque autre photo qu'a pu laisser dans son chemin un gars qui a déjà consommé de la cocaïne et qui fait semblant de pas s'en rappeler. Fait que... tes maudites photos-là, à qui je les donne? Je les donne-tu au chef de l'opposition? Ben, si je les donne à un journaliste, ouais, tu peux bien donner à un journaliste, ils publieront jamais. Parce qu'au Québec, quand on est fifi, puis quand on est séparatiste, on est correct. Non, c'est pas ça qu'il va dire. Il va y racheter les photos. Vous payez quel prix? Des accusations réduites pour Joe qui a mis le feu. L'arrêt d'une enquête sur le crime organisé. Peut-être qu'on va permettre à une famille du crime organisé d'acheter un fabricant de gâteaux avec de l'argent des taxes. On va le subventionner en plus. Parce que le gars qui vendait la cocaïne, il l'achetait de quelqu'un qui, dans le crime organisé, est en contact avec ceux qui s'occupent de telle autre affaire qui consiste justement à acheter des entreprises légitimes avec l'argent du crime. Ça s'est déjà vu au Québec, ça? Tu sais, mes amis, là, qui vendent du salami, une belle grosse compagnie de charcuterie à Montréal, ils rêvent d'acheter telle compagnie, mais ça leur tente pas de risquer leurs argent, André. Fait que je te le demande, on se connaît, nous autres, là, hein? Ouais, on se connaît. Je me demandais si la caisse de dépôt, ou ben non, le gouvernement aurait pas une subvention ou une participation financière. La SGF, peut-être. Tu sais, on demandait au mari d'une telle, là, qui est revenu à la tête des organisations d'investissement du Québec, là, de trouver un 200-300 millions de l'argent des taxes qu'on pourrait investir dans telle entreprise parce que mes amis du salami veulent l'acheter. Pensez que ça s'est jamais vu au Québec, ça? Parlez-en aux gens qui vendaient des petits gâteaux dans la Beauce. Je suis sidéré d'avoir vu en fin de semaine un gars qui veut être premier ministre du Québec, qui veut faire l'indépendance, qui veut être le président du Québec, qui a eu des problèmes de consommation de cocaïne autrefois, refusait de répondre à la question simple. En avez-vous consommé pendant que vous étiez ministre? En avez-vous consommé au bureau? Fin de la conférence de presse. Et ça aurait dû être fin de la carrière d'André Boisclair. André Boisclair, pardon. Pis c'est drôle, c'est pas ça qui est arrivé. C'est pas ça qui est arrivé. Pourquoi? Votre explication est aussi bonne que la mienne. Moi, la mienne, c'est que quand t'es homosexuel et indépendantiste au Québec, t'es en sécurité. Vous avez de quoi dire? Dites-moi que j'ai tort. Ah oui, envoyez-moi un petit message. Je vous dis, Arthur, t'es dans un prune.